Sept femmes de Lydie Salvaire. Premier épisode, Emily Brontë. Texte dit par Lydie Salvaire et Hélène Losseur. Sept folles. Pour qui vivre ne suffit pas. Manger, dormir et coudre des boutons, serait-ce là toute la vie? Qui suivent aveuglément un appel. Mais de qui? Mais de quoi? Sept allumées, pour qui écrire est toute la vie, si bien que leur existence perd toute assise lorsque, pour des motifs divers, elles ne peuvent s'y vouer. Sept insensés qui, contre toute sagesse et contre toute raison, disent non à la meute des loups régents, qu'ils soient politiques, littéraires ou les deux, et qu'ils écrivent à leur façon, les unes en hurlant, en claquant les portes, en arrachant les masques, et tant pis si la peau et la chair viennent avec, les autres avec des grâces et des manières très british, mais toutes en écoutant la voix qui leur murmure à l'oreille, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, plus haut, plus vite, plus fort, stop, précipiter, ralentir, couper. La voix du rythme. Sans cette voix, elles sont formelles. Pas d'écriture et pas d'écrivain. C'est aussi simple et aussi implacable. Cette imprudente pour qui écrire ne consiste pas à faire une petite promenade touristique du côté de la littérature. Et puis hop, retour à la vraie vie, comme on l'appelle. Pour qui l'œuvre n'est pas un supplément d'existence, pour qui l'œuvre est l'existence, ni plus ni moins. Et qui se jettent dans leur passion sans attendre que le contexte dans lequel elles vivent leur soit moins adverse. Sept folles, je vous dis, car il fallait qu'elles fussent folles, ces femmes, pour affirmer leur volonté présomptueuse d'écrire dans un milieu littéraire essentiellement gouverné par les hommes. Car il fallait qu'elles fussent folles pour s'écarter aussi résolument dans leurs romans ou leurs poèmes de la voix commune, pour creuser d'aussi dangereuses corniches, pour impatienter leur temps ou le devancer comme elles le firent, et endurer en conséquence les blâmes, les réprobations ou pire, l'ignorance d'une société que sans le vouloir ou le voulant, elles dérangeaient. Je relus, il y a un an, quasiment tous leurs livres. Je traversais une période sombre. Le goût d'écrire m'avait quitté, mais je gardais celui de lire. Il me fallait de l'air, du vif. Ces lectures me l'apportèrent. Je vécus avec elles, m'endormis avec elles. Je les rêvais. Certains jours, un seul verre de Sylvia Plath suffisait à m'occuper l'esprit. Le lendemain, j'avalais d'un trait les 317 pages du roman de Woolf, Orlando, dans un bonheur presque parfait. Afin de prolonger ce bonheur, je fis ce qui, jusque-là, m'indifférait et qui, de surcroît, pensais-je, ne faisait que compléter mes méconnaissances. Je me plongeai dans les biographies, les lettres et les journaux intimes de ces sept femmes. Je le fis sans aucune intention. Je ne cherchais pas à dévoiler je ne sais quel secret de l'œuvre, ni à corroborer je ne sais quelle hypothèse psychologique. Je savais l'exercice aussi vain que stupide. J'étais simplement portée par le désir de faire durer encore un peu l'émotion que j'avais éprouvée à les lire et de me tenir en quelque sorte affectueusement à leur côté. En me penchant sur l'existence de ces femmes, je fus contrainte de faire ce constat. Écrire et vivre étaient pour elle une seule et même chose. Tsvetaeva, la plus radicale, le formula ainsi. Il ne s'agissait pas de vivre et d'écrire, mais de vivre écrire. D'ailleurs, le souffle de son cœur rythmait le souffle de ses vers, et ses poèmes insomniaques résonnaient des cris qu'elle poussait silencieusement pendant le jour. Écrire, pour ces femmes, ne connaissait d'autre autorité que celle du vivre. Et vivre sans écrire revenait à mourir. Je fis un autre constat, plus sombre celui-là. Ces femmes qui aimèrent infiniment la vie, qui aimèrent infiniment l'amour, et qui furent comblées de tous les dons du ciel, ces femmes qui rejetèrent avec dégoût tous les chantages à la souffrance et les bénéfices qu'elles eussent pu tirer d'un sort défavorable, ces femmes qui détestèrent la maladie autant que la douleur et se moquèrent de leur abject recyclage littéraire, ces femmes vécurent presque toutes un destin malheureux. Les unes connurent l'inconvénient de vivre là où il ne fallait pas, les autres celui de vivre quand il ne fallait pas, certaines celui de souffrir d'une douleur d'être si atroce qu'elles ne pouvaient trouver d'apaisement que dans la mort. Les voici donc, mes admirées, qui sont d'un autre monde, qui sont d'un autre temps, d'avant Goldman Sachs et d'avant le storytelling, mais dont les mots parlent encore dans nos bouches. Emily Brontë, Djuna Barnes, Sylvia Plath, Colette, Marina Tsvetaeva, Virginia Woolf et Ingeborg Bachmann. Emily Brontë. Dans les salons confinés de Londres où l'on ne parle qu'à voix basse et de choses morales, un livre soudain s'abat. Un livre où le héros, rompant avec tous les usages au nom d'un amour impossible, se révolte contre un monde qui lui semble mieux fait pour les marchands de laine que pour les cœurs aimants et se laisse entraîner par désespoir dans la pire des noirceurs qui se puissent penser. Le livre horrifie. Sa brutalité horrifie. Car il vient jeter au beau milieu des élégances cette idée scandaleuse, qui deviendra après Freud une banalité, cette idée selon laquelle il existe une violence fondamentale en l'homme, un besoin passionné de détruire et de se détruire, qui peuvent conduire au pire désastre, mais détiennent le pouvoir inouï d'allumer les esprits et d'amener les hommes à une présence au monde plus vivante et plus dense. Pour comble, son auteur, qui se cache derrière un pseudonyme masculin, est une femme. Une femme qui va à l'encontre de tout ce que l'on attend d'une femme, pire encore, une femme très jeune, et qui a cette audace de vouloir questionner l'énigme du mal. Elle s'appelle Emily Brontë, et son roman, Les Hauts de Hurlevent, que je lis à 15 ans, me transporte. Je suis pensionnaire dans un lycée de jeunes filles. Je rêve, nous rêvons toutes du grand amour. Nous avons ce que nous appelons à l'époque des béguins. Mais nos audaces avec ceux-ci se limitent, le dimanche, à quelques baisers malhabiles et de furtifs attouchements. La figure de Heathcliff, héros des Hauts de Hurlevent, vient brutalement élever le niveau de nos exigences amoureuses. Heathcliff est sauvage, orgueilleux, métaphysique. Et la passion qu'il porte à son aimé est absolue. Nous désirons la même. Or, nos petits amoureux du dimanche ne peuvent en aucun cas soutenir la comparaison. Ils sont genoux, ils sont fades, ils roulent en mobylette, ils aspirent à bénéficier d'un stage en entreprise et habitent gentiment dans la villa de leurs parents. Alors, à l'étude du soir, nous leur écrivons des lettres de rupture toutes truffées de grands mots et d'épithètes rares. Et j'avoue non sans fierté que je suis davantage que les autres sollicité pour ces délicats exercices. J'aime le tragique andalou, les passions qui terrassent, les divorces qui brisent, l'amour, la mort, le destin, les grands cris, les grands mots. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce goût-là m'ait totalement abandonné. Le livre, dans le dortoir, passe de main en main. Il enflamme. Nous avons la puberté virulente, le goût de l'absolu, de l'amour à la vie, à la mort. Nous nous avisons de surcroît que son auteur, Emily Brontë, partage notre sort. Nous passons la semaine enfermée au lycée Raymond Nave. Elle vécut toute sa vie, recluse à Haworth, où son père était pasteur. Haworth est au bout de la terre. C'est un village austère et triste, même quand il fait beau. On dit qu'il faut, pour y arriver, traverser des kilomètres d'une lande déserte et battue par les vents, puis grimper péniblement une route caillouteuse jusqu'au sommet d'une butte qui domine la vallée de Worth. Emily Brontë a 2 ans lorsque sa famille s'y installe. Tout est rude là-bas. Tout y est, d'une certaine façon, violence. Le vent d'ouest, si fort qu'il courbe la cime des arbres. La neige qui rend impossible les jours d'hiver toutes sorties et dont il faut dégager les chemins à la pelle. Le brouillard, si opaque à l'automne qu'il fait la lande irréelle. Une religiosité aride qui imprègne tous les instants de la vie et dont des prédicateurs à la voix terrible exaltent la rigueur en menaçant les fidèles des pires feux de l'enfer pour paiement de leurs fautes. À cela s'ajoutent des conditions de travail si pénibles dans les filatures qu'il n'est pas rare que se forment dans les rues principales des cortèges menaçants, où pics et drapeaux noirs sont brandis à la face des boutiquiers qui, derrière les vitres, se signent en tremblant. Émilie a 3 ans lorsque sa mère meurt. Une mère qui n'a pas eu le temps d'être mère, mais dont la disparition constitue pour Émilie, je le suppose, une blessure secrète. Une peur d'être abandonnée que viendront réveiller chaque fois les départs, les séparations et les deuils de ses proches. Mais Émilie, qui a du caractère, s'interdit de sangloter ou de gémir sur son sort d'orpheline. Et pour fatiguer son chagrin, elle marche et marche à travers la campagne. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, ou que souffle le vent venu du Lancashire. Émilie parcourt pendant des heures les sentiers qui traversent la lande sauvage, parfois suivie de Grasper, son terrier irlandais, à qui elle lance pour jouer des morceaux de bois mort. Car Émilie ne sait pas vivre sans la compagnie des bêtes. On raconte qu'un jour, apercevant un chien errant, flanc décharné, langue pendante, pénétrée dans le pré du révérend, elle se précipite jusqu'à lui pour lui donner à boire. Le chien grogne. Elle s'approche. Le chien montre ses crocs. Elle porte spontanément la main à son échine dans l'intention d'une caresse, aux fins de l'amadouer. Le chien la mord violemment. Elle examine sa blessure. La plaie est profonde, et si le chien est atteint de la rage, celle-ci peut s'avérer mortelle. Alors, à peine entrée au presbytère, elle fait ceci. Elle saisit un pique-feu, le plonge dans les flammes, puis, les dents serrées, se l'applique sur la plaie sans qu'une seule plainte ne s'échappe de sa bouche. Tout Émilie Brontë, tout son roman, sont dans ce geste. Le 25 novembre 1824, la petite Émilie, qui n'a que 6 ans, doit aller retrouver ses sœurs Charlotte, Maria et Elisabeth à l'école de Covent Bridge, qui reçoit par pure miséricorde les enfants du petit clergé. À peine arrivée, elle y est tout de suite malheureuse. Elle ressent comme une honte d'être accueillie par charité et, dans une rage muette, se révolte contre la sévérité affreuse, le froid glacial, les punitions violentes, le mépris du corps prôné quotidiennement dans les sermons et le peu d'aménité d'un personnel qui reporte sur les enfants la haine que lui inspire la misère de son propre sort. Autant de conditions idéales pour que le désir de vivre s'y amenuise et qu'y fleurisse la tuberculose. Les deux aînées, Maria et Elisabeth, contractent la maladie sans tarder et au printemps 1825, l'une et l'autre en décèdent. De ce malheur naît très injustement un bienfait. Le révérend Brontë, quitte à déplaire à sa hiérarchie, retire aussitôt Émilie et Charlotte de cette institution pour le moins inhospitalière, sinon franchement inhumaine. L'instruction complète des enfants sera assurée désormais par la très sévère tante Elisabeth. C'est tout de même un moindre mal. Pour les fêtes de Noël 1824, le révérend Brontë a l'idée d'offrir à son fils Branwell 12 petits soldats de bois. Généreux, Branwell en donne un à chacune de ses sœurs, qui chacune le baptise, et chacune lui confère un caractère, une démarche, un rôle et un destin. Les 4 enfants se prennent de passion pour ce jeu d'invention et ne pensent plus qu'à ça. Peu à peu, les péripéties fantastiques qu'ensemble ils se racontent deviennent des récits qu'ils consignent dans des livres minuscules, écrits pour faire vrai en lettres d'imprimerie, comportant pour faire vrai titres, chapitres, schémas explicatifs et cartes géographiques, et cousus pour faire vrai à la ficelle par Charlotte. La légende est en marche. Dans un presbytère perdu au fin fond du Yorkshire, 4 enfants coupés du monde et soustraits au façonnage scolaire construisent sans le savoir et dans une complicité merveilleuse les premières fondations d'un univers romanesque qui deviendra un jour l'un des monuments de la littérature anglaise. Mais en 1835, maudite année, les enfants doivent se séparer et leur jeu s'interrompre. Branwell, le fils prodige, le frère admiré, le peintre d'avenir, part pour Londres dans l'intention de suivre les cours de la Royal Academy, tandis que Charlotte devient institutrice. Le révérend Bronte et tante Elisabeth décident alors qu'Emily, qui a maintenant 15 ans, ira rejoindre Charlotte dans son institution. Mais sitôt entrée au pensionnat, tout son esprit s'élance vers ceux qu'elle a quittés. Elle suffoque, tout lui manque et tout lui semble laid. Elle voudrait disparaître, s'enfuir de ce dortoir au mur gris de tristesse, s'échapper d'un préau où elle ne peut courir sans se heurter au mur. Arrachée aux bruyères qu'elle aime tant fouler, séparée de sa petite sœur Anne, rétive à la froide discipline du collège autant qu'au rythme strict, souffrant d'être enfermée comme souffrent les bêtes privées de leur forêt, Émilie refuse de se nourrir, compose des poèmes pleins de mélancolie et dépérit tant et si bien que son père doit la rapatrier. Son séjour au pensionnat aura duré 3 mois à peine. Émilie, l'obstinée, parvient toujours à ses fins. On est en 1838. Pour l'instant, Émilie ne songe pas encore à se lancer dans un roman. Elle a 20 ans. L'âge de quitter la maison, l'âge de rompre, de s'émanciper, d'aller vers d'autres paysages. L'âge adulte. Poussée par sa famille qui s'inquiète de l'avoir prolongé indûment son enfance, Émilie, qui a toujours fait échouer les tentatives paternelles pour la scolariser, finit par accepter d'être enseignante à l'école de Low Hill, près d'Halifax. Mais très vite, elle languit, s'étiole et n'a plus qu'un désir. Regagner au plus vite sa lande adorée où souffle le vent d'ouest, le vent salubre, le vent hurlant, le vent lyrique qu'elle fera bientôt souffler sur la prose brûlante des hauts de Hurlevent. En 1842, Charlotte, au titre d'aînée responsable, décide d'arracher une ultime fois Émilie à la maison de servitude, comme elle l'appelle, et de l'entraîner dans un pensionnat de Bruxelles où le professeur Heger donne des cours de littérature que l'on dit remarquables. Ce sera la dernière incursion d'Émilie loin de Haworth. Et un nouvel échec. Non. Décidément non. Émilie n'est pas faite pour les leçons de littérature, ni pour les dissertations charmantes, ni pour les plis, les routines, les règles, les méthodes, les catéchismes, ni pour aucune de ces pédagogies qu'on inculque dans les écoles. En un mot, leur pouvoir. Elle a la conviction que celui-ci paralyse ce qu'il y a en elle de sauvagerie native et exige, sans le déclarer jamais, qu'elle cède sur sa singularité. Or, Émilie ne veut pas céder. Oui, c'est là tout ce que j'implore, vive ou morte, une âme sans chaîne. À toutes les institutions savantes et à tous les lettrés de la terre, elle préfère Haworth, son Haworth, son isolement, son austérité, sa grisaille, sa mélancolie, mais un lieu en même temps qui lui ouvre un espace de liberté qu'elle ne s'est trouvé nulle part ailleurs sur la terre. Elle y retourne donc, et n'en bougera plus. Émilie prend souverainement le parti de vivre dans la solitude, loin des divertissements de la ville et des rues balisées pour la foule, loin de ce qui se fait, de ce qui se pense et de ce qui s'écrit dans ces consensus confortables qui rassemblent les hommes, loin des manœuvres et des intrigues dans lesquelles il trempe pour parvenir. Sans délectation morose, ni résignation, ni dégoût, ni emphase, elle fait le choix du retirement, puisqu'il constitue, elle l'a vérifié en elle-même, la seule condition pour que son esprit affronte ce devant quoi sans cesse les hommes se détournent. La présence en eux de ces forces obscures qui peuvent conduire au pire, et dont elle a observé les ravages chez son frère Branwell, qui d'échec en échec et de beuverie en beuverie sombre lentement. Un jour d'automne 1846, Charlotte découvre, émerveillée, des poèmes écrits en cachette par Émilie. Elle persuade Émilie et Anne de réunir un choix de leurs meilleurs poèmes et de les envoyer à une maison d'édition. Les trois sœurs se mettent à l'ouvrage avec ferveur et envoient leur recueil à messieurs Elliott et Jones, éditeurs à Londres. Et le miracle a lieu. Les éditeurs répondent favorablement, c'est à ne pas y croire. Le livre « Poems » paraît en mai 1846 sous les pseudonymes masculins de Currer, Ellis et Acton Bell. Et les trois filles éprouvent une joie insensée. Une joie comme on n'en connaît que deux ou trois fois dans une vie. Une joie qu'elles doivent contenir parce que la chose à Howells doit demeurer secrète, mais que la contention, délicieusement, exaspère. Deux exemplaires de Poems sont vendus la première année. C'est peu, mais suffisant pour ranimer les rêves et les folles espérances des trois sœurs qui vont dès lors se jeter avec toute la fougue de leur jeunesse, ou si l'on veut toute la libido, dans l'écriture romanesque. Charlotte va écrire « Le professeur », Anne, Agnès Gray, et Émilie, Léo de Hurlevent, dont le héros inoubliable répond au nom de Heathcliff. Dans le roman, Heathcliff est un enfant trouvé, un enfant sauvage, sans nom et sans lignage, que Mr. Earnshaw, un jour, ramène chez lui à la stupéfaction de sa fille Cathy et de son fils Hindley. Mais les enfants n'accordent aucun prix au nom comme au lignage, et il advient ceci. Heathcliff le bâtard et Cathy la bien-née aussitôt s'allient, aussitôt s'adorent, et aussitôt se livrent à leurs amusements d'enfants dans une innocence merveilleuse. Mais l'enchantement ne dure qu'un temps. Cathy, devenue jeune fille, sait prendre un fade et farineux jeune homme issu d'excellentes familles. Et par jeunesse, par égarement, par vanité, par caprice, ou pour toutes ces raisons à la fois, se laisse tenter par une vie aisée auprès du mollasson. Heathcliff, lorsqu'il l'apprend, souffre à perdre la raison. Avec obstination, avec désespoir, avec fureur, Heathcliff s'acharne envers et contre tout à retrouver la pureté de leur amour d'enfant. Ravagé par la douleur, orphelin d'un lien qui lui tenait lieu d'existence, Heathcliff ne peut trouver que dans le mal la réponse à l'exigence folle, exubérante et sans limite qui le consume. Un mal à la mesure de sa passion amoureuse dont il ne veut, dont il ne peut faire le deuil. Profanant tout ce qui est précieux et Dieu lui-même, transgressant toutes les lois morales que se fixent les hommes et qu'ils nomment le bien, ne suscitant autour de lui qu'aversion, effroi et parfois même horreur, Heathcliff va se condamner à la solitude la plus désespérée qui se puisse imaginer. Heathcliff ou l'ange noir, tour à tour dispensateur de l'amour le plus pur et de la noirceur la plus effrayante. Et c'est à Emily Brontë, l'enfermée, l'innocente, c'est à cette jeune fille qui ne sortit presque jamais d'un village désolé du Yorkshire, qui n'eut d'autres amours que la lande et le vent, et ne se départit jamais durant sa courte vie d'une tenue morale exemplaire, c'est à elle que nous devons cette terrible leçon de ténèbres. Le livre n'est tiré en 1846 qu'à 250 exemplaires, et les éditeurs se félicitent de leur prudence, car les critiques, comme de juste, sont horrifiées. Ils jugent le roman contraire à l'art, je cite, grossier de langage et grossier de conception, je cite, et moralement indéfendable. Dans l'année qui suit la parution des Hauts de Hurlevent, Émilie a le cœur lourd. Mais les raisons de sa tristesse sont moins à chercher dans la mévente de son livre, dont elle fait peu de cas, que dans l'aggravation de l'état de santé de son frère Branwell, que la tuberculose détériore. Branwell meurt le 24 septembre 1848. Émilie, qui s'est occupée de lui avec tant de soins et de prévenance, contracte à son tour la maladie. Elle s'éteint, c'est le mot juste, le 9 décembre 1848. Elle a 30 ans. Elle ne saura jamais qu'un écrivain nommé Georges Bataille désignera un siècle après Les Hauts de Hurlevent comme le plus grand roman d'amour de tous les temps. C'était Sept femmes de Lydie Salvaire. Premier épisode, Émilie Brontë. Texte dit par Lydie Salvaire et Hélène Losseur. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Assistance technique et montage, Jean du Cimetière. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Étienne Vallès. Sept femmes de Lydie Salvaire est publiée aux éditions Perrin. Pour la radio, le choix des extraits de Sept femmes de Lydie Salvaire a été fait par Nadine Eggels.